Sud, Canal Sud 92.2 MHz. Sur la région toulousaine, le www.canalsud.net. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est l'heure de Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Il se trouve qu'actuellement nous avons une occupation un temps soit peu prévue par l'organisation, donc l'organisation Untel ou Untel. Untel Pentium x2, corps 2, duo devrais-je dire, en fonction de toutes les possibilités offertes. Par les absconses, on va réussir un jour à dire quelque chose, mais c'est pas sûr, c'est pas pour aujourd'hui. Demain, peut-être, quelqu'un va dire quelque chose et ce sera toujours la même chose, ce sera différent. Merci, Et amusez-vous bien en notre compagnie. C'est vraiment important pour moi qu'on ne m'entende pas. C'est vraiment important pour moi qu'on m'entende pas. C'est vraiment très important pour moi qu'on m'entende pas. Ce soir. Je veux pas être entendu. Vous m'entendez même pas, c'est sûr. Vous n'entendez rien. Vous êtes sourd. Sourd à mes attentes. Sourd à tout, elle est toujours la même. Alors. Tu as perdu ta langue. Quoi? Ouais. Bonsoir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Canal Sud. Canal Sud. Canal Sud Radio. Canal Sud Radio. Pour vous ce soir. Electrostart, Novice, Connage, Mixer, Spontaneous, Dysentry et Allah vont exécuter le morceau, le concerto AB92C K48 5-alinéa B25 12 57A, page 47, 12 20 A, alinéa A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, M, jusqu'à la page 32, qui sera suivie par l'ARIA Pro 2, 24-alinéa bis 42 20 5 plus 1 égale 22 plus 3 égale 23 plus 4 égale 24. À la suite de cet exercice, ils vont ensuite pourfendre grave. À la suite de cet exercice, ils vont ensuite pourfendre très grave. Grave. À la suite de cet exercice, ils vont ensuite pourfendre très grave. Grave. Pourfendre très grave. Grave. Pourfendre très grave. Grave. Pourfendre très grave. Gadget shit. It's all about the shit, man. It's all about it. It's all about the gadgetry. C'est comme James Bond. James Bond sans les gadgets, ça n'existe pas. James Bond sans les gadgets, ça n'existe pas. Ce n'est pas. Ça n'existe pas. C'est le néant. James Bond sans les gadgets, c'est le néant. Rien sans les gadgets, c'est tout. James Bond sans rien, c'est rien du tout. C'est le rien du tout. C'est ça qui est vrai. Le rien du tout, ça veut rien dire. Ouais. Rien dire du tout. Un calme, il y a fait un track, mec. Avez-vous entendu l'histoire du petit bonhomme et de la petite bonne fille qui se promenèrent jusqu'à n'en plus pouvoir jeûner? Et ensuite, ils ont commencé à plus manger et ils sont morts. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Vous êtes pas encore couché les enfants? C'est triste. Vous vivez dans une histoire horrible. Vous allez vite mourir aussi. Je vais vous le dire, au passage, nous sommes déjà morts. Déjà morts. Déjà morts 3 ou 4 fois. Chacun. Juste pour rigoler. C'est ça qui est bien. C'est ça. C'est ça la mort. C'est bien. Maman qui donne du lait à boire, c'est bon. Et encore, on n'a encore rien dit. On n'a pas parlé de nomenclature, de l'horreur morbide. On n'a pas parlé des gens avachis, on n'a pas parlé de la torture morale et mentale. On n'a pas parlé des gens avachis. Morale et mentale. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud. Nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud. Nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud. Nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud. Nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud. Nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Canal Sud, nuisance. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Thank you.

classe avec le papa et la maman. Nous aussi on commence un jour. L'histoire finit par le papa et la maman qui commencent aussi un jour, à finir un jour. C'est vrai le questionnement ultime de cette question ultime, de cette histoire même, la morale, c'est la politique. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'éthique. Pas du tout. Avez-vous entendu la morale de cette histoire? C'est plus important pour moi que de la profiter et de la remercier par cœur. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Non. qu'il est peut-être venu par contre. J'espère. Vous avez bien compris. C'est important pour moi de le savoir. Il faut absolument que je sache. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez bien compris, j'espère. Laissez-moi vous en mettre une couche. Laissez-moi vous en remettre une couche. Une couche. Laissez-moi vous mettre une couche. Vous avez bien compris, j'espère. Petit bonhomme. Petite bonne fille. Bonne femme. Bons hommes, vous avez bien compris, j'espère. Laissez-moi vous en mettre une couche. Oui, une couche. Vous savez, votre caca. Votre caca. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore. Il est 23h moins 10 minutes. Sur Canal Sud, il est 23h moins 10 minutes. Et c'est nuisance. Sur Canal Sud, il est 23h moins 10 minutes. Et c'est nuisance. Sur Canal Sud, il est 23h moins 10 minutes. C'est nuisance. Sur Canal Sud. Thank you.

Oui, c'est Canal Sud. Descendre les autres, il va falloir qu'on bouge dès maintenant pour être prêt. Si on veut être, il faut être au spot, à mon pile. Tu prends le fusil à pompe, moi je prends le gun, il faut lui prendre le couteau, on prend le schlass, et on va les égorger ces autres là. D'accord, au spot, à mon pile, il faut qu'on soit au spot, à mon pile, il faut qu'on soit au spot et qu'on soit prêt à dégainer, ok mec? Tu m'entends? Merde, je me suis trompé, j'ai pris le micro et pas le téléphone, quel con. Faut qu'on soit au spot et qu'on soit prêt à dégainer, ok mec? Bon. D'accord. Bon. D'accord. C'est fini, voilà, c'est comme ça. D'accord, c'est décidé. Bon ben, nuisance, c'est fini. Voilà, amusez-vous bien ça, et prenez du bon temps. Nuisance, c'est votre vie de merde. Amusez-vous bien et ciao. If S is a connected Hausdorff space, which is a set E with coordinates A and B, votre vie de merde. The Dedekind cut theorem holds in S. De merde.

de nous, pauvre de vous, pauvre de nous, pauvre de vous, pauvre de nous, de vous, de nous, de nous, de vous, de vous, de nous, pauvre. Pauvre de nous, de vous, de nous, de nous, de vous, de vous, de nous, pauvre. Pauvre de nous, de vous, de nous, de nous. Pauvre con, pauvre. Pauvre de nous, de vous, de vous, de nous, de nous. Pauvre con. Pauvre con. Pauvre con. Ah merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse connerie. J'ai fait une grosse connerie. Une énorme connerie. J'ai fait une grosse connerie. Une énorme connerie. J'ai fait une grosse connerie. Une énorme connerie. J'ai fait une grosse connerie. Une énorme connerie. J'ai fait une grosse connerie. Une énorme connerie. Une énorme connerie.